Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Si l'on énumère, un vieillard en or avec une montre en deuil, un hussard de la finance avec un dindon de la mort, un maréchal d'écume avec une pipe en retraite, un remorqueur de famille nombreuse avec une victoire de cimetière, et le général des huîtres avec un ouvreur de jésuites, à qui pense-t-on ? Puis, une plume ou un crayon courant sur le papier raconte le paysage, et le paysage prête l'oreille parce que le voyageur lui plaît. Et encore, rappelle-toi Barbara, sans compter, il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Si l'on a toutes ces phrases en mémoire, et évidemment plusieurs ratons laveurs, c'est qu'on les a lues, entendues, apprises. Le héros de l'émission qui vient, diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne le 12 janvier 1950, était bien Jacques Prévert. La radiodiffusion française présente Rendez-vous avec Jacques Prévert. Production et texte de Jean Basset, avec Pierre Brasseur, Serge Reggiani, Roger Pigot, Roger Blin et Germaine Montero. Chansons interprétées par les frères Jacques, Léo Noël, Fabien Loris et Yves Montand. Musique de Joseph Cosma. Orchestre de la radiodiffusion française sous la direction de Marcel Cariven. Au cours de l'émission, Jacques Prévert dira quelques-uns de ses poèmes. C'est une réalisation Yves Darrier. Avait de la chair et des os. Et il m'a dit simplement, la vie est ma terre natale. C'est une terre de pierre et de lumière. Et sous la pesanteur étouffante des toits, au-delà des rideaux qui obstruaient les fenêtres à air comprimé, il y avait le silence. Mais un grand silence, triste et lourd. Et il y avait aussi le sang qui coulait lentement, le sang des infirmes, des morts et des vivants. Un sang à trois têtes, un sang à trois sens, un misérable jet de sang tricolore. Comme il y avait aussi ce jour-là la pluie et le fleuve et les larmes silencieuses d'un enfant et un couple d'amoureux qui se cachaient dans l'éblouissante lumière d'un bec de gaz. Comme il y avait encore des passants indifférents. Comme il y avait ce jour-là du sang qui coulait lentement, gauchement, le long d'un caniveau de la rue. Et l'homme de la rue avançait lentement, laissant à chaque pas derrière lui sur le trottoir sale de la fin du jour le regret de nouvelles secondes écoulées et perdues. Car il semblait tellement aimé à vivre. La vie, c'est encore bien plus qu'un appel, bien plus que le mouvement désordonné et impatient des automobiles et des avions. C'est la volonté constante de ne pas mourir, c'est le refus presque éternel de disparaître. Vivre, c'est de l'orgueil. La vie, c'est une apparition soudaine et perpétuellement miraculeuse. Il y avait le fleuve, les larmes de l'enfant, et la mer à 200 kilomètres. La mer déchaînée, vivante, plus belle à voir et à entendre, que les pauvres révoltes des hommes. Mmh. votre lieu de naissance, votre père, votre mère, vos antécédents, votre réseau social, votre passé, votre avenir. Et il portait allègrement sur sa figure l'âge d'or de tous les véritables enfants. C'était assurément un drôle d'homme, celui que je croisais hier au lointain carrefour de la ville. Et il a fait naître en moi un fascinant souvenir comme un implacable et inguérissable mal de jeunesse, comme une belle et déjà lointaine image obscène. N'oublierai jamais la démarche simple et singulière de l'homme libre croisé dans la rue ce jour-là. On avait beau lui demander son nom à lui, il répondait invariablement « Je me nomme Tu. » Parce que sa carte d'identité, sa carte d'homme, il l'avait jetée un soir de rigolade. Il l'avait jeté dans le ruisseau. Je me nomme Tu, et mon signalement a été communiqué à toutes les polices du monde, mais cela n'est rien. Parce que rien ne me distingue apparemment des autres hommes. Parce que je ne suis pas le seul à aimer la vie, à aimer le soleil à travers le brouillard, à aimer la musique du vent, la musique et la musique de tout le reste, à aimer les femmes nues sur un lit ou dans l'herbe, et n'importe où après tout pourvu qu'elles soient nues et vivantes. Beaucoup d'hommes s'appellent Tu, comme moi, et aussi comme beaucoup de gens s'appellent Jean. De la police recherche activement un homme dont la vie, la joie et la liberté sont un outrage en s'étant troublé à l'inquiétude, à la tristesse et à la sagesse des nations. Prière de communiquer tout renseignement sur cet homme au monsieur de la police qui se trouve dans votre quartier, avec ou sans uniforme. On se le dit. Il y avait aussi ce jour-là l'eau sanglante du caniveau, l'œil du flic, l'œil de verre, l'œil du maître et le nerf de bœuf. L'eau humaine est sale, l'eau crachée, vomie, libérée par certains hommes particulièrement propres et tranquillement conscients. L'eau des trottoirs, mélange de feuilles mortes humides et d'yeux mouillés. Et le long de ce caniveau de l'Académie nationale des égouts, l'eau, comme l'homme qui continuait à marcher dans la rue, continuait à couler lentement, comme un misérable vieillard à la poursuite d'une petite fille insouciante. À couler jusqu'au fin fond de la ville, jusqu'au lointain carrefour des égouts académiques, société à capital limité, à limite d'âge et à raison d'âge. Mais soudain, devant l'Académie qui est de Conti, un lamentable vieil homme se baisse et ramasse dans le ruisseau, entre un mouchoir usé et dégoûtant à une boîte à sardines vide, une carte d'identité. Et il lit le vieil académicien. Et il devient vert de rage, comme seul peut devenir vert un vieil académicien. Il lit, écoutez-le. Nom, Prévert, prénom Jacques, âge d'or, profession... Alors là, le vieux bonhomme académique de l'académie devint si vert qu'il en eut une attaque et creva sur le trottoir. Et sa mort fut si violente que son corps en travers du caniveau arrêta le cours tranquille de l'eau sale. Il ne faut pas évidemment trop en demander à l'eau d'un égout. Elle peut charrier de petites ordures comme un crachat, un mouchoir usé, une page de roman, du sang, de la vomissure, mais pas le cadavre d'un vieil académicien. Et il y avait aussi, j'oubliais de le dire, quatre jeunes hommes. Debout, dans la lumière noire de la rue, ils se mirent tranquillement à chanter, sans se soucier du vieil académicien mort. Et il y avait la mer à 200 kilomètres, la mer déchaînée, vivante. À la pêche, à la baleine, à la pêche, à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils Prosper sous l'armoire allongée. À la pêche, à la baleine, à la pêche, à la baleine, tu ne veux pas aller, et pourquoi donc? Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait, papa? Va la pêper, va la pêcher toi-même, puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Alors dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer des montées. Et voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière au bouillon. La mer était mauvaise, mais la soupe était bonne, et voilà sur sa chaise Prosper qui se désole. À la pêche, à la baleine, je ne suis pas allé. Et pourquoi donc j'y ai pas été? Peut-être qu'on l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger. Mais voilà la porte qui s'ouvre et ruisselant d'eau, le père apparaît hors d'haleine, tenant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table, une belle baleine aux yeux bleus, une bête comme on en voit peu, et dit d'une voix lamentable: dépêchez-vous de la dépecer, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger. Il a faim, il a soif, il veut manger. Mais voici Prosper qui se lève, regardant son père dans le blanc des yeux, dans le blanc des yeux bleus de son père, bleu comme ceux de la baleine aux yeux bleus. Et pourquoi donc je dépêcherai une pauvre bête qui m'a rien fait, tant pis, j'abandonne ma part. Puis il jette le couteau par terre, mais la baleine s'en empare. Et se précipitant sur le père, elle le transperce de terre en part. Oh, le cousin Gaston, ça me rappelle la chasse aux papillons. Et voilà. Voilà Prosper qui prépare les faire-part, la mère qui prend le deuil de son pauvre mari. Et la baleine, la larme à l'œil, contemplant le foyer détruit. Soudain, elle s'écrie: et pourquoi donc que j'ai tué ce pauvre imbécile? Maintenant les autres vont me pourchasser en mode baguette, et puis ils vont exterminer toute ma petite famille. Alors éclatons d'un rire inquiétant. Elle se dirige vers la porte et dit à la veuve en passant: madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez, la baleine est sortie, asseyez-vous, attendez-la, dans une quinzaine d'années sans doute, elle reviendra. Maman, maman, achète-moi de beaux soldats de plomb pour la fête du Père Noël. La guerre, Barbara. Je ne revis l'homme de la rue que bien plus tard, après que des années se soient écoulées comme le sang et les ordures. Un soir où la tristesse et l'inquiétude faisaient le trottoir, un trottoir à Brest. Il allait, bête et perdu, comme poussé par une force irrésistible dans le brouillard. Un brouillard qui s'étalait partout au mur, sur les trottoirs, comme une épaisse couche de cendre. Ce jour-là, le cœur de la ville battait, en pleine agonie, comme il n'avait jamais battu. On le sentait palpiter dans chaque regard, sur chaque visage, à travers n'importe quelle démarche d'homme. Il y avait la guerre à Brest, comme ailleurs. Dans le ciel, de la fumée noire de canon avait déjà remplacé les nuages. Et dans l'œil d'une femme que je croisais, on y pouvait lire des larmes, et de beaux rêves venaient de s'y noyer. C'était l'œil du monde. Et l'homme de la rue ne cessait de répéter: la guerre, Barbara. Tous les hommes valides de 20 à 50 ans. Plus d'amour. Ce jour-là, il y avait la guerre sur Brest. Brest et ses trottoirs déserts lavés par la pluie. Brest réveillé chaque matin par le dernier cri du navire s'éloignant sur la mer. Il pleuvait ce jour-là sur Brest, toutes les larmes de tristesse et d'amour d'un homme qui n'aimait pas la guerre, mais qui aimait Barbara. Barbara, appelle-toi Barbara,

Et lorsque tout est fini, le grand couturier de l'univers contemple son œuvre qui s'en va de nouveau vers son destin. Mais si l'univers a bougé, s'il a ri et pleuré, s'il a souffert, ou s'il a été heureux pendant que l'œil magique du peintre était fixé sur lui, il ne faudra pas qu'il s'étonne de découvrir sur son visage, dans le plus apparent désordre, tous ses gestes, toutes ses émotions, toutes ses positions. Et il existe des peintres qui découvrent, par hasard, l'univers sur le visage d'un homme ou d'une femme. Picasso, par exemple, avec le soleil comme lumière, l'univers au bout de son doigt, et ce doigt posé sur sa palette, il fait de la peinture, une peinture belle et universelle. Sur une assiette bien ronde, en porcelaine réelle, une pomme pose. Face à face avec elle, un peintre de la réalité essaie vainement de peindre la pomme telle qu'elle est. Mais elle ne se laisse pas faire, la pomme. Elle a son mot à dire et plusieurs tours dans son sac de pomme. La pomme. Et la voilà qui tourne dans son assiette réelle, sournoisement sur elle-même, doucement, sans bouger. Et comme un duc de Guise, qui se déguise en bec de gaz, parce qu'on veut malgré lui lui tirer le portrait, la pomme se déguise en beau fruit déguisé. Et c'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui. Et comme le malheureux indigent, comme le pauvre nécessiteux qui se trouve soudain à la merci de n'importe quelle association bienfaisante et charitable et redoutable, de bienfaisance, de charité et de redoutabilité, le malheureux peintre de la réalité se trouve soudain alors être la triste proie d'une innombrable foule d'associations d'idées. Et la pomme en tournant évoque le pommier, le paradis terrestre, et elle, et puis Adam. L'arrosoir, l'espalier, parmentier, l'escalier, le Canada, les Hespérides, la Normandie, la Rainette et la Pie. Le serpent du jeu de paume, le serment du jus de pomme et le péché originel et les origines de l'art et la Suisse avec Guillaume Tell et même... et même Isaac Newton, plusieurs fois primé à l'exposition de la gravitation universelle. Et le peintre étourdi perd de vue son modèle et son... C'est alors que Picasso, qui passait par là, comme il passe partout chaque jour comme chez lui, voit la pomme et l'assiette et le peintre endormi. Quelle idée de peindre une pomme, dit Picasso. Et Picasso mange la pomme, et la pomme lui dit merci, et Picasso casse l'assiette et s'en va en souriant. Et le peintre, arraché à ses songes comme une dent, se retrouve tout seul devant sa toile inachevée, avec au beau milieu de sa vaisselle brisée, les terrifiants pépins de la réalité. Il y avait une fois, également et fraternellement, le soleil libre dans la tête d'un homme, la tête contre les murs ou dans l'eau d'une source, et l'homme bien vivant, le soleil à minuit veillant sur l'astre du sommeil naturel des enfants, et l'homme bien vivant, errant dans la nature comme le soleil au-dessus de lui qui le guide et lui brûle les mains, la tête et la poitrine, comme le renard dans l'histoire de l'enfant de Sparte, continue à marcher. En hiver, au printemps. Et les gens qui le voient et s'arrêtent n'y comprennent rien. S'expliquent et n'y comprennent rien de voir du soleil partout. Et comme le renard rongeant le cœur de l'enfant de Sparte qui n'ose avouer son vol, le soleil un beau soir fait éclater la tête de cet homme si vivant, ensoleillé, meurtri, infirme et passionné. Et le sang qui jaillit et les rayons du soleil qui fusent éclaboussent en silence et en couleur le tableau noir de l'art. sable où roule le Rhône, dans l'atroce lumière de midi. Un homme de phosphore et de sang pousse une obsédante plainte comme une femme qui fait son enfant. Et le linge devient rouge, et l'homme s'enfuit en hurlant pour chasser par le soleil un soleil d'un jaune strident. Au bordel tout près du Rhône, l'homme arrive comme un roi mage avec son absurde présent. Il a le regard bleu et doux, le vrai regard lucide et fou de ceux qui donnent tout à la vie, de ceux qui ne sont pas jaloux, et montre à la pauvre enfant son oreille couchée dans le linge. Et elle pleure sans rien comprendre, songeant à de tristes présages, et regarde sans oser le prendre l'affreux et tendre coquillage où les plaintes de l'amour mort et les voix inhumaines de l'art se mêlent au murmure de la mer et vont mourir sur le carrelage dans la chambre où les dredons rouges d'un rouge soudain éclatant mélangent ce rouge si rouge au sang bien plus rouge encore de Vincent à demi-mort et sage comme l'image même de la misère et de l'amour. L'enfant nu, toute seule, sans âge, regarde le pauvre Vincent, foudroyé par son propre orage, qui s'écroule sur le carreau, couché dans son plus beau tableau. Et l'orage s'en va, calmé, indifférent, en roulant devant lui ses grands tonneaux de sang, l'éblouissant orage du génie de Vincent. Et Vincent reste là, dormant, rêvant, râlant. Et le soleil au-dessus du bordel, comme une orange folle dans un désert sans nom, le soleil sur Arles, en hurlant, tourne en rond. Debout devant le zinc, sur le coup de 10 heures, un grand plombier zingueur habillé en dimanche, et pourtant c'est lundi, chante pour lui tout seul, chante que c'est jeudi, qu'il n'ira pas en classe, que la guerre est finie, et le travail aussi, que la vie est si belle, et les filles si jolies. Et titubant devant le zinc, mais guidé par son fil à plomb, il s'arrête pile devant le patron. Trois paysans passeront et vous verront, puis disparaît dans le soleil sans régler les consommations. Disparaît dans le soleil tout en continuant sa chanson. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La vie est si belle et les filles si jolies, et titubant devant le zinc, mais guidé par son fil à plomb, il s'arrête pile devant le patron. Trois paysans passeront et vous paieront, disparaît dans le soleil sans régler les consommations. Disparaît dans le soleil tout en continuant sa chanson. Le marchand d'images espiègle et souriant est un ami, comme les autres, comme les hommes, les fleurs, le soleil, les femmes, la musique, comme tout le monde. Il est aussi l'ami du public, parce qu'il inocule au monde malade un jet de lumière bienfaisante, parce qu'il montre le monde à tout le monde, et que tout le monde s'aperçoit que le monde est moins laid que les hommes du monde le lui ont dit. Le monde est en pleine lumière, le monde public, agité par sa propre existence, tout autant qu'au veille et au lendemain de révolution, le monde beau et en pleine lumière, sans intellectuel, le monde en mouvement, en désordre, en liesse, ébloui, réjoui, le monde triste et grelottant, tout ensommeillé de cauchemars divers, mais beau, Le monde agité, enthousiasmé, égoïste, fragile, implacable, indifférent, mais beau. Une des sept merveilles du monde, c'est le monde. Un ami de l'homme de la rue. Un ami qui jongle avec les atmosphères emprisonnées et les déchaîne. Un ami, avec son sourire, qu'il projette sur l'univers, lui-même projeté en pleine lumière dans l'effarante vision de ses propres formes, au-delà de tout, jusque dans la pleine solitude de soi-même. Soi-même, comme tout le monde, réconforté par sa propre beauté et sa propre gentillesse. Un ami comme les autres. Un ami comme les amis nombreux et inconnus de l'homme de la rue. Comme tout le monde, les hommes, les fleurs au printemps, le soleil, les filles, la musique. Les musiciens qui font comme les enfants et jouent à tout âge de la musique, comme Joseph Kosma. Un jeune dromadaire qui n'était pas content du tout. La veille, il avait dit à ses amis, « Demain, je sors avec mon père et ma mère. Nous allons entendre une conférence. Voilà comme je suis, moi. » Et les autres avaient dit, « Oh, oh, il va entendre une conférence. C'est merveilleux. » Et lui n'avait pas dormi de la nuit, tellement il était impatient. Et voilà qu'il n'était pas content, parce que la conférence n'était pas du tout ce qu'il avait imaginé. Il n'y avait pas de musique. Il était déçu. Il s'ennuyait beaucoup. Il avait envie de pleurer. Depuis 1h15, un gros monsieur parlait. Devant le gros monsieur, il y avait un pot à eau et un verre à dents, sans la brosse. Et de temps en temps, le monsieur versait de l'eau dans le verre. Mais il ne se lavait jamais les dents. Et visiblement irrité, il parlait d'autre chose, c'est-à-dire des dromadaires et des chameaux. Le jeune dromadaire souffrait de la chaleur. Et puis sa bosse le gênait beaucoup. Elle frottait contre le dossier du fauteuil. Il était très mal assis. Il remuait. Alors sa mère lui disait, « Tiens-toi tranquille, laisse parler le monsieur. » Et elle lui pinçait la bosse. Le jeune dromadaire avait de plus en plus envie de pleurer, de s'en aller. Toutes les 5 minutes, le conférencier répétait, « Il ne faut surtout pas confondre les dromadaires avec les chameaux. J'attire, mesdames, messieurs et chers dromadaires, votre attention sur ce fait. Le chameau a 2 bosses, mais le dromadaire n'en a qu'une. » Et tous les gens de la salle disaient, « Oh, oh, très intéressant !» Et les chameaux, les dromadaires, les hommes, les femmes et les enfants prenaient des notes sur leurs petits calepins. Et puis le conférencier recommençait. Et ce qui différencie les 2 animaux, c'est que le dromadaire n'a qu'une bosse, tandis que, chose étrange et utile à savoir, le chameau en a 2. À la fin, le jeune dromadaire en eut assez, et se précipitant sur l'estrade, il mordit le conférencier. « Chameau !» dit le conférencier furieux. Et tout le monde dans la salle criait « Chameau ! Sale chameau ! Sale chameau !» Pourtant, c'était un dromadaire, et il était très propre. Il y avait toujours le mystérieux homme de la rue qui fixait le monde. De son éternel œil en forme de sourire, mais un sourire parfois triste et malheureux, parfois ébloui et manifestement satisfait, parfois indifférent et immobile, aux heures de sommeil par exemple, car il y a de tout dans ce monde. Une triplée de pierre, trois fleurs, un oiseau, 22 fossoyeurs, un amour, le raton laveur, une madame attelle, un citron, un pain, un grand rayon de soleil, une lame de fond, un pantalon, une porte avec son paillasson, un monsieur décoré de la Légion d'honneur, le raton laveur, un sculpteur qui sculpte des Napoléons, la fleur qu'on a fait le souci, deux amoureux sur un grand lit. Un carnaval de Nice, une chaise, trois dindons, un ecclésiastique, un furoncle, une guêpe, un rat flottant, une douzaine d'huîtres, une écurie de course, un fils indigne, un père dominicain, trois sauterelles, un strapontin, une fille de joie, trois ou quatre oncles Cyprien, le raton laveur. Terre dolorosa de papa gâteau, droit rossignol de père de sabot, cinq dentistes, un homme du monde, un homme du monde, une femme du monde, une femme du monde, un gouverneur de cabinet, de petits Suisses, de petits Suisses, un grand pardon, un grand pardon, une vache, un samovar, une pâte de mon sang, un monsieur bien ami, un cerf-volant, un régime de banane, une fourmi, une expédition coloniale, un cordon sanitaire, trois cordons ombilicaux, un chien du commissaire, un jour de gloire, un bandage hernière, un vendredi soir, une chaisière, un œuf de poule, un vieux de la vieille, trois veuves de guerre, François Ier, de Nicolas II, trois Henri III, le raton laveur, le raton laveur, un Père Noël, ouais, ouais, deux sœurs latines, tintin, trois dimensions, tion, tion, mille et une nuits, sept merveilles du monde, quatre points cardinaux, un, deux, trois, huit heures précises, douze apôtres, quarante-cinq ans de bons et loyaux services, deux ans de prison, six ou sept péchés capitaux, trois mousquetaires, 20 000 lieues sous les mers, 32 positions, 2000 ans avant Jésus-Christ, 5 gouttes après chaque repas, 40 minutes d'entracte, 1 seconde d'inattention, et naturellement, le semblait presque appartenir au monde, mais c'est le monde qui lui appartenait. Le monde avec ses merveilles, ses merveilleuses merveilles, ses histoires à dormir debout, debout devant le fleuve, là où le monde commence à prendre de l'ampleur. Il s'arrêtait de temps en temps, et s'adressant à Dieu, il s'écriait joyeusement. Garçon, un verre de soleil. Les amants silencieux, deux par deux et bouche à bouche tout autour de lui, déambulaient lentement sur les trottoirs comme à la sortie d'un théâtre. Ils suivaient, heureux et pacifiques, un chemin tout tracé à travers le désordre de l'amour. Il admirait en connaisseur chaque geste précis de l'amour. Il se sentait encerclé, enfermé, entouré de l'affection apparemment indifférente et étrangère du monde. Et il comparait la démarche tranquille du fleuve à celle de l'univers. Bien sûr, il y avait les coups du sort. Mais il y avait aussi les coups de soleil et de l'amour. Pêle-mêle, expulsés en vrac et sans connaissance de l'orifice universel, il y avait les membres atrophiés de l'armée du Salut Marie, Mère de Dieu, qu'il ne faut pas confondre avec le matinal Salut Marie pleine de charme d'un mauvais garçon. Il y avait les femmes pauvres mais heureuses, et les bienheureuses pauvres femmes. Il y avait un mauvais enfant de bonne famille, et un enfant bonhomme, et un homme bon enfant. Il y avait aussi un homme qui retrouvait Paris qu'il avait quitté depuis son enfance. Un homme vieux, retrouvant tout à coup sa merveilleuse jeunesse, admirant comme on respire une bouffée d'air pur à la sortie du métro, le premier caniveau de Paris à la sortie de la gare. Un homme anonyme, plein de souvenirs. Sable mouvant, démons et merveilles, vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée, et toi, comme une algue doucement caressée par le vent, dans les sables du lit tu remues en rêvant. Démons et merveilles, vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée, mais dans tes yeux entr'ouverts, deux petites vagues sont restées. Démons et merveilles, vents et marées, deux petites vagues pour me noyer. Taxi s'arrête et voilà qu'un homme en descend. Un homme qui a l'air triste et pressé. Et tout ce qu'il y a de plus riche. Tend la main au chauffeur et lui donne de l'argent. Puis s'en va, tristement. Mais l'homme de la rue, lui, s'avance gentiment. Tend la main au chauffeur et la lui serre cordialement. Sans qu'il soit entre eux question d'argent. Car ils se connaissent bien, et depuis si longtemps. Et le chauffeur raconte sa vie à l'homme de la rue. Ses petits malheurs, ses grandes joies, ses rêves et ses cauchemars. Un taxi s'arrête. Les êtres humains descendent. L'un d'eux paie le chauffeur s'en va, avec son taxi. Un autre humain l'appelle, donne une adresse et monte. Le taxi repart, 25 rue de Châteaudun. Le chauffeur a l'adresse dans sa mémoire. Il la garde juste le temps qu'il faut. Mais c'est quand même un drôle de boulot. Et quand il a la fièvre, quand il est noir, quand il est couché le soir, des milliers et des milliers d'adresses arrivent à toute vitesse et se bagarrent dans sa mémoire. Il a la tête comme un bottin, comme un plan de métropolitain. Alors il prend sa tête entre ses mains. Alors il prend sa tête entre ses mains et il se plaint tout doucement. 222 rue de Vaugirard, 33 rue de Ménilmontant. Grand palais, gare Saint-Lazare, grand palais, gare Saint-Lazare, grand palais, gare Saint-Lazare, rue du dernier des Mohicans, place du colonel Rochenot, avenue du gros babu, boulevard des trois idiots. taxi, taxi, taxi, taxi, taxi pour la sortie, taxi pour le grand prix, taxi pour le pince-fesse, taxi pour la comtesse, taxi pour le cocktail, taxi pour les affaires, taxi pour la grande guerre, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, pour le cimetière. Comme par miracle, il se retrouve entre amis à la droite d'André Verdet, qu'il a connu à Saint-Paul-de-Vence et qu'il retrouve à Paris. Et tous deux, ils se mettent à vadrouiller, à perdre haleine, dans les rues de Paris. Ils se guident aux lumières sous les toits, aux cris échappés du ventre de la nuit, au son des paroles évadées de leur prison humaine. Ils se bousculent en rigolant sur les trottoirs vides. Ils sèment leur vivante chaleur dans le grand froid de la nuit. Ils guettent et surprennent un instant de beauté. Puis ils continuent leur marche nocturne. Ils décident, sans rien se dire, du choix des kilomètres, et soudain se retrouvent comme par miracle dans la magnifique ou désolante lumière du petit jour. Là-haut, au sixième étage d'un immeuble, une fenêtre s'ouvre, c'est signe que la promenade est finie. Mais elle continue à Saint-Paul-de-Vence, car c'est à Saint-Paul-de-Vence que Jacques Prévert a connu André Verdet. Oh, Anne-Gris, mon ami, mon semblable, mon frère, comme aurait dit peut-être Baudelaire, s'il avait comme moi aimé les hommes gris. Je viens encore une fois de me servir de toi. Je t'ai couché là sur le papier, et ce n'est pas pour que tu te reposes. Non, je t'ai couché là pour me servir. Pour me servir de comparaison, pour que tu nous rendes service à André Verdet, à moi et à d'autres. Il ne faut pas m'en vouloir, c'était nécessaire. Et tu n'es pas arrivé dans cette histoire comme le cheveu sur la soupe, mais bien comme le sel, la cuillère dans la soupe. Tu es arrivé à ton heure, et sans doute nous avions rendez-vous. Alors, je vais profiter de ta présence pour parler un peu de toi en public. Regardez l'âne, messieurs, regardez l'âne gris, regardez son regard, hommes au grand savoir, coupeurs de chevaux en quatre pour savoir pourquoi il trotte et comment il galope. Regardez-le et tirez-lui le chapeau. C'est un animal irraisonnable et vous ne pouvez pas le raisonner. Il n'est pas, comme vous dites, composé d'une âme et d'un corps, mais il est là tout de même, il est là, avec André Verdet, avec beaucoup d'or, avec les olifiers, avec les éléphants, avec ses grandes oreilles et ses chardons ardents. Il est là, inexplicable, inexpliqué, et d'une indéniable beauté. Surtout si on compare à vous autres, et à beaucoup d'autres encore, hommes à la tête d'éponge, hommes au petit corridor. Il est là, travailleur, fainéant, courageux et joyeux, et marrant comme tout, et triste comme le monde qui rend les âmes tristes. Et d'une telle grandeur d'âne, que jamais au grand jamais vous entendez, messieurs, et même si vous vous levez la nuit pour les pieds, jamais, au grand jamais, aucun d'entre vous ne pourra jamais se vanter de l'avoir vu ricanant, menaçant, humiliant, triomphant, coiffé d'un bonnet d'homme, la tête de ses enfants. Lève-toi maintenant, Anne-Gris, mon ami, et au revoir et merci. Il rencontre d'autres amis, l'homme de la rue, à tous les coins de rue, et c'est bien normal. Certains passent en lui disant bonjour, comme à une vieille connaissance. Ce sont les amis inconnus. Mais voilà qu'il rencontre Elsa Henriquez. Toute la journée, elle a cherché un oiseau dans Paris l'hiver. Elle a eu bien du mal à le trouver. Mais c'est l'oiseau qui, la trouvant si belle et si triste, est venu vers elle. Et l'homme de la rue, qui n'est pas au courant de l'affaire, veut lui serrer la main. Mais il s'aperçoit que dans la main d'Elsa Henriquez, il y a un magnifique oiseau qui se réchauffe. Il trouve l'oiseau beau et il conseille aussitôt à Elsa Henriquez, qui est peintre, d'en faire le portrait. Voilà, lui dit-il, comment il faut faire. À Elsa Henriquez, pour faire le portrait d'un oiseau. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois l'oiseau arrive, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre. Attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage. Et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau. Puis, effacez un à un tous les barreaux, en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre, en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent. la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été, et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe, signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe, signe que vous pouvez signer. Alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. Car me voilà, moi. Et j'ai bien droit au chapitre. Et même si ce chapitre est le plus court, je voudrais qu'il ne fût pas oublié ou censuré. Croyez-moi, il a son importance, mon chapitre. Parce que lorsque vous avez commencé, j'étais aussi dans la rue. Et j'ai tout entendu. Et même vu ce que vous n'avez fait qu'entendre. Mais toutes les voix humaines de la Terre correspondaient au mouvement du soleil autour de l'univers. Seules les voix inhumaines de l'ennui et du remords perdus dans le grand vacarme de la guerre, tels des échos indiscrets, troublaient le beau sommeil des hommes, la nuit dans l'enfance. Et on eût dit soudain de tous ces hommes endormis et tranquilles, vainqueurs et pacifistes acharnés, de véritables statues vivantes, joyeuses et insouciantes. Ils dormaient, seuls ou bien à deux, la bouche ouverte comme dans les moments étonnamment merveilleux de la belle extase humaine. Ah oui, bien sûr, on ne peut pas remonter le cours de la vie d'un bout à l'autre pour effacer toute la saleté vivante et morte de plusieurs milliers de siècles. Il y a des hivers à presque tous les kilomètres de terre, de ciel et de la mer. Aujourd'hui encore, il y a du sang qui ne veut pas se décider à partir. Des hommes qui, eux non plus, ne veulent pas se décider à partir. Et c'est cela de pire. Des guerres qui partent, mais qui reviennent si vite. Les innocents, que si nous laissions tout cela, hein? Nous laissions tout cela un peu de côté pour parler du soleil. Ça ne serait pas plus mal, parce que le soleil se rit à pleine gorge de printemps des voix secrètes et interdites, des voix inhumaines et inaudibles, du vieux remords noir de la fable enfantine, des voix d'hier et glaciales de l'hiver, des sexes arrêtés en pleine jeunesse comme une horloge faite pour indiquer l'heure. Et il se rit aussi de l'infirme démarche des sexes mal accouplés. Sexe à héritage et à grosse dot. Parce qu'il sait bien, lui, le soleil, qu'il guide à travers le monde entier quotidien l'incommensurable et excitante foule des vieux amants et des amoureux nouveau-nés. Et croyez-moi. Il y a de quoi rire. Il y a de quoi rire. Rire de joie, comme j'ai ri, moi, toute ma vie. Mais tenez-moi, moi aussi, et il y aurait des raisons, je pourrais regretter certains moments de ma vie. Seulement, voilà, je préfère aux voix saintes du remords le petit verre d'alcool et la grande femme de ma vie. Et puis, il y en eut de si beaux moments dans ma vie. Tiens, par exemple, ceux que j'ai joués avec Jacques Prévert, mon vieux Jacques Prévert. Ah, je ne les ai pas oubliés, ces moments-là, tiens. Le mauvais garçon, lâche assassin de Quai des Brumes, l'homme riche, amant triste et noble assassin de la plus belle fille du monde. Ça, c'est dans les portes de la nuit. Et puis le grand Frédéric Lemaître dans les enfants du paradis. Et en ce moment, le gros oiseau, père de famille. Mais dormez, dormez, petits enfants. Dans la bergère et le rameneur, un film en dessin animé par Paul Grimaud et qui sera bientôt fini. Un film en dessin animé et en chanson chantée. Le jour et la nuit et le jour, pour nous c'est pareil, pareil, pareil, tous les jours. Notre linge est bien long à sécher, nous n'avons jamais de soleil. Hiver comme été, été comme hiver, pour nous c'est pareil, pareil, toujours c'est pareil, pareil, pareil, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et surtout, croyez-moi, ne vous inquiétez pas trop si Dieu là-haut s'agite dans son ciel sombre. Si Judas en enfer se rince l'œil à force de voir tant d'hommes sur la terre, tant d'hommes vivants baignant dans le sang, quelquefois le leur est souvent celui des autres. Souvenez-vous, il y a un troisième ciel qui n'est ni celui de Judas, ni celui de Dieu, mais bien celui du soleil. Du soleil, grâce à qui bientôt les enfants ne naîtront plus dans le sang répandu par d'autres, mais seulement dans le sang de leur papa et de leur maman, à condition qu'ils ne se soient pas caillés depuis le temps de l'amour. Bah. Et laissez l'en faire, bonnes gens! Laissez naître les enfants de bonne famille, les fils au papa et les filles à leur mère. Laissez mourir les vieux grands-pères à quatre épingles. Laissez disparaître les mauvais jours. Laissez l'ancêtre colonel dans les nobles familles juchées sur le piano. Laissez tranquille le pauvre oncle à héritage. Laissez le smor fondre au milieu des toiles d'araignée. Laissez l'œil de la maîtresse de maison régner dans son cadre en bois de cerisier sur toute la famille réunie et ennuyée. Laissez faire. Un jour le soleil viendra là comme ailleurs. La mère fait du tricot, le fils fait la guerre. Elle trouve ça tout naturel, la mère. Et le père, qu'est-ce qu'il fait le père? Il fait des affaires. Sa femme fait du tricot, son fils la guerre, lui des affaires. Il trouve ça tout naturel le père. Et le fils, qu'est-ce qu'il trouve le fils? Il ne trouve rien, absolument rien le fils. Le fils, sa mère fait du tricot, son père des affaires, lui la guerre. Quand il aura fini la guerre, il fera des affaires avec son père. La guerre continue, la mère continue. Elle tricote. Le père continue. Il fait des affaires. Le fils est tué. Il ne continue plus. Le père et la mère vont au cimetière. Ils trouvent ça tout naturel, le père et la mère. La vie continue. La vie avec le tricot, la guerre, les affaires, la guerre, le tricot, la guerre, les affaires et les affaires. La vie avec le cimetière. L'homme de la rue s'arrêtait souvent, chaque fois qu'il y avait des enfants, de vrais enfants vivants. Et il y en a. Il leur racontait des histoires, inventait des jeux avec le soleil et les reflets du soleil. Souvent, la nuit, il les voyait s'aimer silencieusement et avec impudeur et gentillesse. tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Traqué par de pauvres et misérables choses de riches, pourchassé par de lamentables vieillards, anciens professeurs de fessé. Et l'enfant qui pleurait debout et devant la rivière dont il était la source, faisait avec ses larmes des ronds dans l'eau de sa petite mère à lui, et tranquillement triste, au bord de l'eau tranquille, perpétuellement lavé par de nouvelles larmes, il haïssait avec douceur la douce violence de l'enfance étrange, étrangère et délinquante, ceux qui déjà ont oublié leur Noël. Et soudain, un beau Noël ancien, noyé depuis longtemps par un affreux vieillard déçu et déchu, surgissant à la surface de l'eau, vint caresser les joues humides et chaudes de l'enfant qui pleurait. Au loin, très loin là-bas, sortant d'un séminaire à pompe funèbre, trois vieillards mourants passaient et barraient la ligne bleue de l'horizon. Ce sont les cercueils de l'enfance, dit Noël gentiment, de l'enfance comme toi, levée comme le jour, avec le soleil, de bonheur et de bonne humeur, de l'enfance seule et délivrée, puisant à gorgée chaude à la grande source du soleil. Ce sont les locataires du sous-sol. Ils viennent visiter leur nouvelle demeure. Voici les clés. Je vais les leur apporter. Excuse-moi, je m'en vais te délivrer. Merci Noël, dit l'enfant. Et Noël s'en alla. Do, ré, mi, fa, sol. Ce sont les locataires du sous-sol. Do, ré, mi, fa, sol. Ah, la belle chanson, vive le vent et les enfants. Thank you. Et voilà, tout est fini. L'homme de la rue continue sa merveilleuse promenade à travers le monde, à travers le brouillard des mauvais jours et le grand soleil fraternel de l'éternité humaine et provisoire, le long du caniveau, et près du fleuve avec ses lumières, ses amoureux, ses enfants, avec tous ses amis. Et il entraîne avec lui, dans un éblouissant soleil de bonté et d'amour, l'inévitable, dérisoire et splendide cortège de toutes les choses de ce monde, notre monde. Cortège, un vieillard en or avec une montre en deuil, une reine de peine avec un homme d'Angleterre, et des travailleurs de la paix avec des gardiens de la mer, un hussard de la farce avec un dindon de la mort, un serpent à café avec un moulin à lunettes, un chasseur de cordes avec un danseur de tête, un maréchal d'écume avec une pipe en retraite, un chien en habit noir avec un gentleman au maillot, un compositeur de potence avec un gibier de musique, un ramasseur de conscience avec un directeur de mégots, un repasseur de colonies avec un amiral de ciseaux, une petite sœur du Bengale avec un tigre de Saint-Vincent-de-Paul, un professeur de porcelaine avec un raccommodeur de philosophie, un contrôleur de la table ronde avec des chevaliers de la compagnie du gaz de Paris, un canard à Sainte-Hélène avec un Napoléon à l'orange, un conservateur de Samothrace avec une victoire de cimetière, un remorqueur de familles nombreuses avec un père de haute mer, un membre de la prostate avec une hypertrophie de l'Académie française, un gros cheval in partibus avec un grand évêque de cirque, un contrôleur de la croix de bois avec un petit chanteur d'autobus, un chirurgien terrible avec un enfant dentiste et le général des huîtres avec un ouvreur de jésuites. La radiodiffusion française vient de vous présenter Rendez-vous avec Jacques Prévert. Production et texte de Jean Basset. Avec Pierre Brasseur, Serge Reggiani, Roger Pigot, Roger Blin et Germaine Montero. Chansons interprétées par les frères Jacques, Léo Noël, Fabien Loris et Yves Montand. Musique de Joseph Cosma. Orchestre de la radiodiffusion française sous la direction de Marcel Cariven. Au cours de cette émission, Jacques Prévert a dit quelques-uns de ses poèmes. C'est une réalisation Yves Darrier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 12 janvier 1950. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ». Sighing, and my baby was asleep.